êtes venue la baisse, a dû vous vanter ma vertu. Votre candeur, votre sagesse, à tel point que j'en fus ému. Tout cela c'était une fable, je suis une grande coupable. Et depuis hier, monsieur, j'ai commis tant d'horreurs que vous pouvez m'appeler sans erreur la doyenne et des malfaiteurs. Dans ce couvent, sous ces verrous, allons, voyons, plaisantez-vous. J'ai pris la poudre d'escampette et dans une opérette, Farilou, Farina, Farinette. J'ai fait une conquête qui m'a fait perdre la tête. C'est moi qui perds la tête. La rirette, la rirette. Voyons, je rêve en ce moment. Monsieur Fernand, Monsieur Fernand, et ne touchez pas mon paravent. Puis pour revoir celui que j'aime, aux messes des officiers, j'ai soupé le soir même. Cric, cric, cuillère de poubine, sul sac, sac, sul don, redon, loustalou, suive le grosse, qu'est-ce qui n'est pas mon chant, chant. Je veux savoir absolument. Est-ce l'instant, vous connaissez tout le mystère, si cet aveu franc et sincère vous a déplu, partez, Fernand, et surtout sans toucher le paravent. Au diable le paravent! Dieu sait par quel problème s'accomplir ces faits. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Voilà ce que je sais. Dieu sait par quel problème s'accomplir ces faits. Je t'aime, je t'aime, je t'aime.